Les camarades, je suis de parler à la jeunesse. Rejoignons les organisations. Luttons, mobilisons-nous, manifestons, bloquons. Je parle au nom de toutes les femmes, d'abord et avant tout, au nom des enseignants, au nom des secteurs du social, au nom des secteurs du soin, tous ces métiers qui sont méprisés de plus en plus, tous ces gens qui font tenir le pays debout, comme dirait Ruffin. Je voudrais dire que aussi, bravo à tous de vous être mobilisés, c'est pas fini. Il ne faut pas être dans la résignation, ça risque d'être encore un peu long, mais en tout cas, cette énergie qui vient du fond du pays, parce que tous ces gens qui se font marcher dessus, ça commence à bien faire. Vraiment, ça commence à bien faire. Et donc, il faut vraiment au maximum autour de vous dire aux gens que c'est le moment ou jamais. Et d'ailleurs, Macron, là, il a vraiment engagé. C'est la lutte au final, mais vraiment au sens propre. Son objectif, c'est de nous anéantir pour pouvoir derrière faire passer encore pire. Et il a pris son risque, là. Ça, c'est le vocabulaire que les journalistes utilisent. Il a pris son risque. Ben maintenant, il faut lui faire comprendre qu'il aurait mieux fait d'éviter de le prendre. Chers camarades, aujourd'hui, on est tous là, car c'est un véritable crachat en pleine figure que le gouvernement vient de faire. On est à l'épilogue de ce qui est fait depuis un moment. La loi travail, la violence sur les gilets jaunes, maintenant, c'est la violence démocratique où le bout du bout est arrivé. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Je ne partirai pas, moi et mes camarades, ce soir sans une décision d'action immédiate et pour les jours à venir. Le gouvernement compte sur une chose, c'est voter, rentrer chez vous. On leur répond qu'on est là, debout, digne, et que la bataille ne fait que commencer maintenant. Merci à tous d'être présents. Je ne vais pas répéter ce qui s'est dit. On est dans un déni de démocratie. On doit être plus intelligent que ce gouvernement. On doit demander à nos élus et aux syndicats d'organiser un référendum d'initiative populaire. Certes, il va falloir aller chercher 4,8 millions de signatures. Mais tous ensemble, nous allons aller dans les villes et les villages du Valenciennois pour nous aller chercher au porte-à-porte ces signatures. Ce soir, je rejoins ce que Cédric vient de dire. Il est hors de question que nous repartons ce soir dignement chez nous. Nous allons prendre les rues de Valenciennes et aller nous balader dans les rues de Valenciennes. Une information à vous passer. Chez Cévennes Nord, depuis 18h, les travailleurs se mettent en grève. Ils entendent reconduire. Demain matin, 4h30, ils seront au port. Et je vous dis pas, il y a l'autoroute à côté, on va distribuer des tracts et on va tout bloquer. Alors pour la FSU, sans répéter, juste pour dire que ce soir, c'est bien, la parole, elle est bien dans la rue. Et cette initiative, j'allais dire, qui s'est faite rapidement, montre que le peuple est toujours présent. Et que notre gouvernement, ainsi que son président, ne peut plus ne pas nous entendre. Voilà. Allez, on va se mettre en combat. Donc, comme ça, j'ai proposé, si tout le monde est d'accord, on va envahir la rue. Allez, tous sur Valenciennes. Macron, dégage! La retraite! Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse. Et dégueulasse. C'est quoi? C'est dégueulasse! Elisabeth Borne, c'est dégueulasse! Elisabeth Borne, c'est dégueulasse! Elisabeth Borne, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! La Macronie, c'est dégueulasse! Les CRS, c'est dégueulasse. La Macronie, c'est dégueulasse.